et tu aperçois au loin une marguerite géante. Pas comme celle de ton jardin, elle marche comme un moulin, ses pétales tout en vivante. Il y a des éoliennes qui poussent comme la teigne dans les champs de chez nous. Au milieu des chênes au-dessus, elle règne sur le village en dessous. Alignée sur la colline, aujourd'hui elle domine, fière d'être ainsi plantée. Il paraît que sur la mer, on les verra de la terre du vieux port le soir en été. Il y a des éoliennes qui poussent comme la teigne dans les champs de chez nous. Au milieu des chênes au-dessus, elles règnent sur le village en dessous. Imagine ces grandes fleurs, leur mettre un peu de couleur, elles seraient moins palottes. Et toutes seules aussi grandes, à brasser de l'air sur la lande, comme elles ont l'air idiotes. Il y a des éoliennes qui poussent comme la teigne dans les champs de chez nous. Au milieu des chênes au-dessus, elles règnent sur le village en dessous. Toute la nuit elle clignote pour pas que les avions s'y frottent. C'est vrai, ce serait un peu con qu'un vieux coucou un peu bête passe à la moulinette les ailes en accordéon. Il y a des éoliennes qui poussent comme la teigne dans les champs de chez nous. Au milieu des chênes au-dessus, en dessous. Il y a des